بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. C'est donc le deuxième cours sur le livre Taysir al-Allam qui est l'explication du livre Umdat al-Ahkam, une explication de Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Bassam, rahimahullahu ta'ala. Durant le premier cours, on avait expliqué tout d'abord une brève biographie de l'auteur du livre ainsi que de son explicateur. Et on a commencé à expliquer le premier hadith ainsi que le second, le premier qui est celui de Omar ibn Khattab radiallahu anhu et le second celui de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Et on avait dit que ce livre Umdat al-Ahkam, donc qui comporte exactement 417 hadiths, son auteur l'a écrit dans la perspective ou dans le but de citer les hadiths qui sont rapportés à la fois par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Et l'on verra par la suite, au fur et à mesure de notre explication de ce livre, que l'auteur Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, yani, tous les hadiths qu'il a cités ne sont pas tous rapportés par Al-Bukhari et Muslim, mais ce que l'on peut comprendre de sa parole, c'est que la base de ces hadiths, ou le sens initial de ces hadiths, effectivement, est basé ou est issu de Bukhari et de Muslim, même s'il y a à ceci quelques hadiths qui font exception. Et comme on avait cité la semaine dernière, ou comme on l'a dit la semaine dernière, qu'il est important d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mémoriser les paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y avait dans cela des grands mérites. Donc, qui d'entre vous a appris le premier hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyyat? Pour passer à la suite, il faut au moins qu'il y ait un d'entre vous qui récite les hadiths. On ne va pas le demander à tout le monde, même si c'est recommandé et ça peut être un exercice pour vous, mais au moins l'un d'entre vous doit connaître les hadiths. Na'am, tafadhal. الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم أحسنت. والحديث الثاني الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. كيف لو رسيتي؟ تفضل بطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم أحسنت. طيب ونكمل إن شاء الله لثالث حديث كي هو الحديث عبد الله بن عمرو العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. Donc selon Abdullah ibn Amr al-As et Abu Huraira et Aisha, qu'Allah les agréait tous, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le châtiment de l'enfer sera au talon, que les talons seront exposés au feu de l'enfer et châtiés par le feu de l'enfer. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut noter que le hadith de Aïcha radiallahu anha, ou la version de Aïcha, ou le hadith selon Aïcha, n'a pas été rapporté par Al-Bukhari, mais uniquement par Muslim. Il a été uniquement rapporté par Muslim dans son sahih quant à celui d'Abdullah ibn Amr al-As et celui de Abu Huraira radiallahu anhu ont été rapportés à la fois dans les deux sahih. قال شيخ البسام رحمه الله غريب الحديث أولا الويل العذاب والهلاك والويل مصدر لا فعل له من لفظه ثانيا الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها وأل في الأعقاب للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء وبهذا يستقيم الوعيد. Donc l'auteur, comme dans son habitude, رحمه الله, explique les termes du hadith qui ont besoin d'être expliqués. Le premier terme qu'il explique est le terme « wail » dans le hadith. Il dit « al-wailu » c'est le châtiment et le fait de connaître la perdition. C'est le châtiment et le fait de connaître la perdition, et ceci est le sens linguistique du terme « al-wail ». Quant au fait, ou ce qui est connu chez beaucoup de gens, à savoir que Al-Wail c'est un fleuve de l'enfer, tous les hadiths sur lesquels je suis, qui ont été rapportés dans ce domaine ou dans ces termes que Al-Wail wa'adin fi jahannam, les hadiths sont faibles concernant cela, et c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah qui les a considérés faibles dans plusieurs de ses ouvrages, rahimahullah ta'ala. Puis il dit, Cheikh al-Bassam, masdarun wal waylu masdarun la fi'la lahu min lafzi. Et Cheikh al-Bassam était aussi connu pour aimer la grammaire et pour avoir une grande science dans ce domaine. Pour cela que dans beaucoup de ses explications, il donne des explications de l'ordre grammatical. Et c'est ce qu'il a fait ici en disant que Al-Wail c'est un masdar. Et Al-Masdar, là on rentre dans la grammaire arabe, c'est le fait de dire par exemple Daraba Darben. Daraba Darben, c'est-à-dire il a frappé un coup. Et Darben ici est un masdar. Lorsque l'on parle ou lorsque l'on fait la conjugaison et que l'on cite un verbe, on dit Daraba Yadribu Darben. Il a frappé. Il frappe un coup, darban. Et al-masdar est maftouh selon l'endroit dans lequel il se trouve. Et en général, le masdar a pour origine son verbe. A pour origine son verbe. Comme mathalan, daraba darban, ou darabtu darban, je l'ai frappé d'un coup, darban, yani, il a pour origine le verbe qui est Daraba. Et ici, ce que a voulu dire Cheikh al-Bassam, rahimahullah, c'est que Al-Wail, qui est un masdar, n'a pas de verbe dont ces termes seraient à l'origine. Il n'a pas de verbe dont les termes seraient à l'origine. Et Al-Masdar est utilisé dans plusieurs cas. Parmi les cas, c'est le fait d'appuyer, d'accentuer une chose. Lorsque tu dis Darabtuhu Darban, je l'ai frappé. En frappant, c'est pour montrer que tu l'as frappé de façon violente. De façon violente, et il y a d'autres sens dans lesquels, ou des sens qu'apporte en plus le masdar, qui est aussi appelé al-maf'oul ou al-mutlaq. Deuxièmement, il dit al-a'qab. Al-a'qab qui est le pluriel de aqib. Et aqib et la fin du pied, à savoir le talon. Et le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que les talons subissent le châtiment du feu, le prophète alayhi salatu wasalam parle du talon, mais il veut dire par là le propriétaire de ces talons, à savoir la personne en elle-même, à savoir la personne en elle-même. Et il y a d'autres hadiths similaires à celui-ci, comme le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar » Tout ce qui dépasse la cheville est en enfer. C'est-à-dire que c'est la personne qui est en enfer. C'est la personne qui est en enfer et non pas, comme pourraient le penser certaines personnes, que c'est uniquement la partie des vêtements qui dépasse la cheville qui sera châtiée en enfer. Non, c'est la personne dans sa totalité. Et les talons ici, ce qu'a voulu dire aussi le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire les talons qui n'ont pas été recouverts d'eau. Les talons qui n'ont pas été recouverts d'eau. Et ainsi, le sens du hadith s'éclaircit. Ainsi, le sens du hadith s'éclaircit, à savoir que la menace qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est que les talons ou les pieds qui sont lavés pendant les ablutions, si les talons qui sont une partie le plus souvent négligée, qui sont une partie qui est le plus souvent est négligée par ceux qui font leurs ablutions, notamment dans la zone qui est proche des chevilles. C'est une zone qui, lorsque les personnes font les ablutions de façon rapide ou lorsqu'ils font leur ablution avec une quantité limitée d'eau, c'est souvent l'une des parties les plus négligées et qui n'est pas totalement recouverte par l'eau. Et ceci pourrait amener à l'annulation de ses ablutions et de surcroît à l'annulation de sa prière. C'est pour cela que c'est un endroit qu'il faut particulièrement soigner et dans lequel il faut particulièrement faire attention et être sûr et prendre ses précautions pour que lorsque tu laves tes pieds pendant tes ablutions, que l'ensemble de ton pied soit recouvert par de l'eau. ثم قال المعنى الإجمالي le sens général du hadith. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه ويحث على الاعتناء بإتمامه ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية الجي رحمه الله Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait de minimiser ou de ne pas donner de l'importance aux ablutions et le fait de faire des manquements dans celui-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage dans ce hadith à faire en sorte que les ablutions soient faites de façon complète. Et lorsque le talon, la plupart du temps, n'est pas atteint par l'eau des ablutions, eh bien cela engendre un manquement dans la purification et donc dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que le châtiment sera subi par le talon et également par la personne qui a délaissé ou qui n'a pas été sérieuse dans ses ablutions. ما يؤخذ من الحديث ce que l'on retient du hadith ou ce que l'on peut en déduire. أولا وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est l'obligation de faire attention aux membres des ablutions et de ne pas faire de manquement sur ceux-ci. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des deux pieds, mais les autres membres du corps qui doivent être lavés pendant les ablutions ont le même jugement. Ma'a wujoudi nusus laha, il y a d'autres hadiths à ce sujet. ثانيا الوعيد الشديد للمخل في وضوئه. Deuxièmement, on en déduit la menace grande, ou la grande menace, ou la menace douloureuse, ou le châtiment douloureux qu'encourt celui qui ne fait pas attention aux endroits qu'il lave dans ses ablutions. ثالثا إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. Et troisièmement, on en déduit de ce hadith que ce qui est obligatoire concernant les pieds pendant les ablutions, c'est qu'ils doivent être lavés. Ils doivent être lavés. Et c'est dans ce sens que ont été rapportés les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également sur cela que la communauté est unanime, que la communauté musulmane est unanime, à savoir que les pieds, il faut les laver, et non pas comme le font ou comme le disent les chiites, qui se contentent uniquement de les essuyer, qui se contentent uniquement de les essuyer. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, lorsqu'il dit « Ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila s-salah »« Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour prier, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq »« Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes »« Wa msahu bi ru'usikum » »« Et essuyez vos têtes »« Wa arjulakum ila al-ka'bayn »« Wa arjulakum » ici, le terme arjoul et les pieds jusqu'aux chevilles. Al-arjoul ici, il est comment? Il est mansoub. Il est mansoub. C'est-à-dire qu'il a une fatha. Allah Azza wa Jalla dit wa arjoulakum. C'est-à-dire qu'il revient au rusul. Car Allah Azza wa Jalla a dit farsilu wujuhakum. Ici, il est mansoub. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Et vos mains jusqu'aux coudes. C'est-à-dire qu'on doit laver le visage et laver les mains jusqu'aux coudes, et arjulakum qui est aussi mansoub, donc qui est ma'touf ala an-nasb, c'est-à-dire qu'il a la même voyelle que ceux qui le précèdent, à savoir al-wajh et al-yad, donc il a le même jugement. Et il y a une autre lecture, wa arjulikum amsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Et ici, il est majrour, donc il revient à quoi? Au mas. Comment on répondra à cela? Ou comment expliquer cette deuxième lecture qui est thabita? Ahsant, qui est al-mashu ala al-khuffain. Et c'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, à savoir que la lecture wa arjulakum concerne les pieds qui ne sont pas recouverts. Et wa arjulikum concerne les pieds qui sont couverts par des chaussettes ou par des chaussures ou des sandales, et dans ce cas on ne les lave pas mais on les essuie. Donc les pieds couverts, ce qui est légiféré, ce n'est pas de les laver mais d'essuyer dessus, et les pieds qui sont découverts, nus, il faut les laver et non les essuyer. Et comme le dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, et en disant cela, c'est-à-dire dans le fait que les chiites disent qu'il faut essuyer les pieds et non les laver, et lorsqu'il parle des pieds, il parle des pieds nus, non recouverts, ils contredisent dans cela les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses pieds, et également les autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, et tous ces hadiths on les verra par la suite, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons de laver leurs pieds. Et cela également contredit l'analogie qui est que le fait de laver les pieds est plus propre et plus hygiénique que le fait de les essuyer. Que le fait de les essuyer. ثم قال المؤلف الحديث الرابع في الأوتر قال دو كاتريام حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il mette de l'eau dans son nez, puis qu'il rejette cette eau, c'est-à-dire à travers ses narines. Puis le professeur a dit « وَمَنْ إِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرِ » et celui qui pratique l'istijmar, qu'il utilise un nombre impair, et l'istijmar, c'est le fait de se laver avec des pierres, et ici le professeur a dit « et celui qui se nettoie avec des pierres, qu'il utilise un nombre impair, c'est-à-dire de pierres. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ et celui d'entre vous qui se réveille de son sommeil, qu'il lave ses mains trois fois avant de les introduire dans le récipient. Le récipient, c'est-à-dire qu'il utilise pour faire ses ablutions. Et le professeur Asselam a dit, car l'un d'entre vous ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Où sa main a passé la nuit. Et dans les termes rapportés dans Muslim, فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْ خَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ, c'est-à-dire qu'il inspire de l'eau avec ses narines. Qu'il inspire de l'eau avec ses narines. Et dans une autre version du hadith, من توضأ فليستنشق, celui qui fait ses ablutions, qu'il introduit de l'eau dans ses narines. Donc c'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui est le quatrième hadith de Umdat al-Ahkam. ثم قال المؤلف غريب الحديث توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء توضأ أحدكم lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, c'est-à-dire lorsqu'il commence ses ablutions. ثانيا ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه وإدخاله هو الاستنشاق. Et lorsque le professeur Asselam a dit « ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرْ » c'est-à-dire qu'il fasse sortir l'eau de son nez après avoir introduit celle-ci. C'est-à-dire après avoir introduit l'eau, il faut l'extraire et la faire sortir de ses narines. « وَإِدْخَالُهُ هُوَ الْإِسْتِنْشَاقُ » Et le fait d'inspirer de l'eau dans son nez est appelé « الْإِسْتِنْشَاقُ » Et le fait de ressortir cette eau est appelé al-istinthar. Donc il y a al-istinshaq, qui est le fait d'aspirer l'eau avec son nez, et al-istinthar, qui est le fait de rejeter celle-ci à travers ses narines également. Thalithan, istajmar, ista'mal al-jimar, wa hiya al-hijara, li qat'i al-adha al-khariji min ahad al-sabilayni, wa huwa al-istinja'u bil-hijara. Istajmara, c'est-à-dire qu'il utilise el-jimar, qui sont les pierres, afin d'enlever les impuretés qui sortent des deux orifices. Et c'est el-istinja ou bil-hijara, c'est-à-dire le fait de se nettoyer en utilisant des pierres. Falyutir, لينهي استجماره على وتر وهو الفرض مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث أو لأقل من ثلاث فليوتر parce que le professeur Hassan m'a dit et celui qui fait l'istijmar qu'il utilise un nombre impair c'est-à-dire qu'il se nettoie لينهي استجماره على وتر qu'il se nettoie avec un nombre impair car en général ceux qui utilisent ou ceux qui se nettoient avec des pierres utilisent à chaque fois une seule pierre yani, la pierre n'est pas réutilisée deux fois d'accord et donc d'utiliser un nombre donc de se nettoyer un nombre de fois impair ce qui signifie d'utiliser un nombre de pierres impair comme 3 ou 5 ou d'autres nombres impairs qui sont similaires. Et il dit, rahimahullah, et le nombre ne doit pas être inférieur à 3. C'est-à-dire que le minimum de fois qu'il faut s'essuyer lorsque tu te nettoies avec des pierres, c'est 3 fois ou d'utiliser au minimum 3 pierres. Et on verra cela dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi وعلى آله وسلم باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف باتت يده c'est-à-dire l'un d'entre vous ne sait pas où sa main à passer la nuit. Cheikh dit ici al-mabit en arabe signifie le sommeil de nuit. Lorsque tu dis bitu inda fulan, c'est-à-dire j'ai passé la nuit chez un tel. Lorsque l'on parle de al-mabit, on parle du fait de dormir la nuit. C'est cela que les Arabes appellent ou donnent à chaque sommeil de la journée un nom. Ils disent par exemple Al-Baytouta, c'est le sommeil qui a lieu la nuit. Al-Qaylula, c'est le sommeil qui a lieu avant Salat al-Dhuhr ou bien après Salat al-Dhuhr. Il y a par exemple Al-Faylula, qui est le sommeil qui suit ou qui est fait après la prière de Al-Fajr. Il y a aussi Al-Haylula, qui est le sommeil fait après Salat al-Asr. Donc, les Arabes donnent pour chaque type de sommeil, en fonction du moment dans lequel il est fait dans la journée, un nom bien précis. Et Al-Baytouta, cela est connu pour être le sommeil de nuit. Et l'auteur dit, rahimahullah, et Al-Zamakhshari, ainsi que Ibn Hazm, Al-Amidi, Ibn Burhan, eux ont cité que le terme Ba'ata, ici, signifie Sara, c'est-à-dire il ne sait pas où sa main est parti, yani où sa main s'est déplacée. Et dans ce cas, en comprenant le terme bata dans ce sens, il n'y a plus de relation avec le sommeil de nuit et les autres. Autrement dit, lorsque l'on comprend bata sara, c'est-à-dire que quel que soit le sommeil que tu as fait, qu'il soit de jour ou de nuit, lorsque tu te réveilles, tu devras te laver les mains 3 fois. Quant à la majorité des savants qui considèrent que Al-Baytouta, c'est le sommeil de nuit, donc que tu dois te laver les mains 3 fois avant de les insérer dans le récipient dans lequel tu vas faire tes ablutions, que ceci concerne uniquement le sommeil de nuit, lorsque tu te réveilles la nuit pour faire tes ablutions. Non. Sahih, j'ai oublié, non. Il y a le 5 point. On va d'abord finir le 6. J'en reviendrai au 5. Non, Hassan. Et l'auteur dit également وَإِذَا أُطْلِقَتِ الْيَدِ فَالْمُرَادُ بِهَا الْكَفِ Et en arabe, lorsque l'on parle de Al-Yad, lorsque l'on dit Al-Yad, sans donner de restrictions ou sans donner plus de détails, cela signifie la main. Et la main est délimitée par par le poignet. Par le poignet. Sauf si les détails sont apportés. Comme par exemple, Allah Azzawajal a dit Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Car si Allah Azzawajal a dit et vos mains, on aurait déduit qu'il fallait uniquement laver trois fois les mains, c'est-à-dire jusqu'aux poignets. Et lorsque Allah Azzawajal a dit Wassariq wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse coupaient leurs les mains. Et ici, les mains, les savants ont déduit que c'est jusqu'au poignet. D'accord ? Donc, lorsque le terme yad est cité sans restriction, il veut dire la main jusqu'au poignet. Et si les explications ou plus de détails sont apportées, alors le sens concordera avec le détail ajouté. Il y a le cinquième point que j'ai oublié de citer. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي إِلَى آخِرِهِ تَعْلِيلٌ لِغَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الْإِسْتِيقَاظِ. Lorsque le professeur a dit فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي, car l'un d'entre vous ne sait pas, ceci est l'explication du fait de se laver les mains en se réveillant. Pourquoi te laves-tu les mains en te réveillant? Car tu ne sais pas ce que tes mains ont fait pendant ton sommeil. Sabi'an fal yastanshiq. Al-istinshaq huwa idkhal al-ma'i fi al-anf. Septièmement, al-istinshaq, qui est, comme nous l'avons vu, le fait d'introduire de l'eau dans le nez. Al-ma'na al-ijmali. Le sens général du hadith. Yashmalu hadha al-hadith 'ala thalath faqarat. لكل فقرة حكمها الخاص بها. لكل فقرة حكمها الخاص بها. أولا فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق. والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف والوجه الذي أمر المتوضئ بغسله لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. Donc de ce hadith il y a trois aspects, trois grands points à retenir et chaque point a un jugement qui lui est propre. Le premier point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que celui qui fait ses ablutions et lorsqu'il commence ses ablutions qu'il doit introduire de l'eau dans son nez puis qu'il doit le faire ressortir et c'est al-istinshaq et al-istinthar qui ont été cités dans le hadith car le nez fait partie du visage et le visage Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le laver. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit farsilu wujuhakum et lavez vos visages, entre dans le mot visage le nez. وقد تضافرت الأدلة الصحيحة على مشروعيته. Et il y a beaucoup de hadiths qui viennent prouver l'obligation et le fait que le nez, les narines doivent être nettoyées pendant les ablutions. ثانيا ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج وتنقي المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدا توتر أعداد الشفع. La deuxième chose, le professeur sallam a ensuite informé que pour nettoyer, que celui qui veut nettoyer les impuretés après avoir fait ses ablutions en utilisant des pierres, qu'il doit nettoyer avec un nombre impair. Et le minimum est de 3. Et quel est le maximum? Jusqu'à avoir atteint le but qui est de nettoyer, jusqu'à atteindre le but qui est de nettoyer. Donc le minimum, même si lorsque tu as fait tes besoins, il n'y a pas grand chose à nettoyer. Tu dois, lorsque tu te laves avec, ou lorsque tu t'essuies avec des pierres, ou par analogie aussi avec du papier, tu dois le faire au minimum 3 fois, même si 3 fois c'est beaucoup trop. Même si 3 fois pour toi c'est beaucoup trop, eh bien sache que c'est un minimum dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le maximum c'est de d'essuyer et de nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'impureté. Et on verra aussi par la suite que celui qui se nettoie avec des pierres ou du papier, il y a une dérogation de l'islam, à savoir que les traces qui pourraient rester ne porteront pas atteinte à la validité de ton état de pureté. Donc le maximum, c'est de nettoyer autant de fois que nécessaire. Et si tu rajoutes au-dessus de 3, tu dois toujours rajouter un nombre impair. Donc si 3 ne suffit pas, alors 5, sinon 7, 9, 11, 13, etc., etc. ثالثاً وذكر أيضاً أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئاً رطباً حتى يغسلها 3 مرات لأن نوم الليل غالباً يكون طويلاً ويده تطيش في جسمه فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. Et l'auteur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a également cité que celui qui se réveille de son sommeil de nuit, qui ne doit pas introduire sa main dans un récipient ou de toucher quelque chose d'humide. Ou toucher quelque chose d'humide. Pourquoi quelque chose d'humide ? Pourquoi quelque chose d'humide ? Pourquoi il n'a pas dit quelque chose de sec ? La saleté, est-ce qu'elle se transmet mieux à travers un objet sec ou un objet mouillé ? Humide. Humide et mouillé. Donc, tu ne dois pas toucher également un objet humide car tu risquerais de transmettre les impuretés sur cet objet humide. Donc tu ne dois pas insérer tes mains dans le récipient des ablutions, ni de toucher une chose humide, jusqu'à avoir lavé tes mains 3 fois. Car le sommeil de nuit est en général long, et la main parcourt l'ensemble du corps, et elle peut, durant le sommeil de la personne, sans que la personne ne s'en rende compte, toucher des choses qui sont impures ou des choses qui sont sales alors qu'il n'en a pas connaissance. Et c'est pour cela que le fait de laver les mains 3 fois a été légiféré. ثم قال المؤلف رحمه الله اختلاف العلماء, la divergence des savants. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نومه. Donc les savants de l'islam ont divergé sur le sommeil. Après quel sommeil est-il légiféré de se nettoyer les mains? Les savants ont divergé. L'imam Shafi'i et la majorité des savants considèrent que c'est après chaque sommeil qu'il est légiféré de se laver les mains 3 fois, que ce soit un sommeil de nuit ou un sommeil de jour. Et leur preuve, c'est le hadith du professeur sallam d'Abu Huraira, lorsque le professeur sallam a dit « Istayqadha ahadukum min nawmih » lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil. Et ici, le sommeil n'a pas été spécifié par le professeur sallam, à savoir un sommeil de nuit. Donc ils ont pris le sens général de sommeil qui englobe le sommeil de jour comme celui de nuit. وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. Donc ça c'est le premier avis des savants et il y a le second avis qui est celui de l'imam Ahmed et de Daoud al-Zahiri rahimahumullah ou rahimahumallah qui eux considèrent que cela est propre au sommeil de nuit. Et pour appuyer leur avis et leur point de vue, ils disent, car le professeur Hassan m'a dit « Fala la yadri ayna batat yadou » il ne sait pas où sa main a fait « al-baytouta » où sa main a passé la nuit. Et « al-baytouta » comme on l'a vu, est utilisé pour désigner le sommeil de nuit. Et ils utilisent également comme preuve une autre version rapportée par At-Tirmidhi, Ibn Majah, et également par An-Nasa'i, Abu Daoud, et par l'imam Ahmad dans son Musnad, où le professeur sallam a dit « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ » Si l'un d'entre vous se réveille du sommeil de nuit, du sommeil, « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ » Si l'un d'entre vous se réveille la nuit, se réveille la nuit, autrement dit, lorsqu'il a dormi la nuit et qu'il se réveille, c'est là où il doit laver ses mains à trois reprises. Donc ce sont les deux avis des savants. Et l'auteur dit « وَالرَّاجِحُ الْمَذْهَبُ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ الَّتِي شُرِعَ مِنْ أَجْلِهَا الْغَسْلُ غَيْرُ وَاضِحَةُ وَإِنَّمَا يَغْلِبُ عَلَيْهَا التَّعَبُّدِيَّةُ فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث. Et l'auteur dit, et l'avis des savants qui est le plus fort est celui, et le dernier, et le second, car la sagesse pour laquelle le fait de laver à trois reprises les mains en se réveillant n'a pas été défini de façon claire, Et il dit, rahimahullah, wa innama yaghlibu 'alayha at-ta'abbudiyyah. Mais on peut en déduire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de laver trois fois les mains, et ceci pour, yani que ce doit être un acte purement adoratif. C'est-à-dire que l'on le fait sans réellement en connaître la raison. Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme on l'avait vu dans les autres cours de fiqh, dit que c'est pour lui c'est l'avis le plus proche, à savoir qu'il n'y a pas de raison clairement définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela peut aussi avoir, yani cela peut aussi être expliqué par le fait que il y a une influence du diable, car comme vous le savez tous, le diable dort dans les narines. Le diable dort dans les narines, et le professeur sallam a même dit dans d'autres hadiths que celui qui se lève qui ne se lève pas à la prière du Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève, alors le diable a uriné dans ses oreilles. Donc il y a des choses qui sont en rapport avec l'invisible et dont nous n'avons pas forcément connaissance. Pour cela que nous devons nous laver les mains trois fois, et l'auteur considère que cela est propre au sommeil de nuit et non au sommeil de jour. Et il y a une autre divergence des savants, à savoir sur le jugement de se laver les mains trois fois. Est-ce obligatoire ou est-ce préférable? La majorité des savants, Jumhur ul-Ulama, considère que cela est recommandé et préférable. Et c'est une version de l'imam Ahmed, et c'est également l'avis qu'a choisi Al-Khiraqi wal-Muwaffaq wal-Majd. Et l'avis connu dans le madhhab de l'imam Ahmed, c'est l'obligation, et ils utilisent pour cela le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, fal yaghsil yadayhi salasan. Et ils disent que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont, on en déduit l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. ثم قال المؤلف ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on déduit du hadith. أولا وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي رحمه الله فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. On en déduit de ce hadith l'obligation de faire l'istinshaq et l'istinthar. L'istinshaq qui est de rejeter ou d'introduire? D'introduire l'eau dans les narines, et l'istinthar qui est de le rejeter. Il y a dans ce hadith l'obligation de ces deux gestes. Et l'imam Nawawi rahimahullah a dit, et il y a dans ce hadith une preuve claire que ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes, à savoir d'introduire l'eau et de l'extraire. Thaniyan, inna al-anfa min al-wajhi fi al-wudu, akhdan min hadha al-hadith ma'a al-aya faghsilu wujuhakum. Deuxièmement, on déduit que le nez fait partie du visage dans les ablutions. Et ceci en rassemblant le hadith et le verset d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit « et lavez vos visages ». En rassemblant le hadith et le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en déduit que le nez fait partie du visage. Et ainsi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer le Coran. Ainsi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer, éclaircir et apporter des informations supplémentaires au Coran. Et le tout est révélation. Le tout est révélation. Et celui qui veut différencier le Coran et la Sunna, eh bien, c'est un égaré sans aucun doute. C'est un égaré sans aucun doute. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où les gens seront, où les âmes seront accoudées et diront, voici le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons d'autorisé, nous l'autorisons. Ce que nous trouvons d'interdit, nous l'interdisons. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah innama harrama Rasulullah mithluma harrama Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien au contraire, ce que interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdit que ce qu'Allah a interdit. Ceci pour ne pas dissocier le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, mashru'iyyatu al-itar liman istanja bil hijara. Qala al-Majdu في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر على وتر سنة فيما زاد على ثلاث. Troisièmement, le fait qu'il est légiféré d'utiliser ou de se nettoyer avec les pierres d'un nombre impair. Et Al-Majd a dit dans son livre Al-Muntaqa, et ceci prouve que le fait de s'arrêter à un nombre impair fait partie de la sunna lorsque ceci dépasse 3. Si le fait de dépasser 3 en faisant un nombre impair est préférable, on en déduit que le fait de se laver au moins 3 fois est obligatoire. Donc, de se laver un nombre de fois impair peut être obligatoire et peut être surrogatoire. Il est obligatoire jusqu'à 3. Et il est surrogatoire au-dessus de 3. Rabi'an, qala ibn Hajar, istanbata qawmun min al-hadith anna mawdi' al-istinja'i makhsusun bil-rukhsati ma'a baqa'i athari al-najasati 'alayhi. Alim ibn Hajar, rahimahullah, a dit, et certaines personnes, c'est-à-dire parmi les savants, ont déduit du hadith que l'endroit qui est nettoyé par al-istinja', par le fait de se nettoyer, il y a une dérogation, à savoir que ce qui peut rester comme trace d'impureté n'est pas pris en compte. Car celui qui se nettoie avec une pierre, est-ce qu'il va tout nettoyer à 100%? Non. Tu ne pourras pas tout nettoyer à 100% en utilisant des pierres ou même du papier. Il restera des traces de cette impureté. Et le fait que ces traces restent ne remet pas en cause le fait que tu es en état de pureté et que tu puisses faire ta prière même dans cet état. pour cela que cette religion est une religion de facilité. Et c'est une religion de facilité, comme je le dis toujours, celui qui considère cette religion comme difficile, soit parce qu'il ne connaît pas cette religion, ou soit parce que c'est lui qui se rend la vie difficile. Mais en aucun cas, l'islam est dur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna dina yusr » Cette religion est facilité et elle est simple et aisée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de l'islam, c'est que c'est une religion qui peut être pratiquée par tout le monde, que tu sois intelligent ou bête, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois gouverneur ou gouverné, l'islam peut être appliqué par n'importe quelle personne, même si son coefficient intellectuel est des plus bas. خامسا مشروعية غسل اليد من نوم الليل وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. Cinquièmement, le fait qu'il est légiféré de laver ses mains en se réveillant du sommeil de nuit, et nous avons cité la divergence sur le fait du sommeil qui est concerné, est celui de jour ou de nuit, et également la divergence sur le jugement de ce lavage des mains, est-il obligatoire ou préférable. Sadisan wujub al-wudu'i min an-nawm. On en déduit également de ce hadith l'obligation de faire ces ablutions lorsque l'on se réveille du sommeil. Sabi'an an-nahyu 'an idkhaliha al-ina'i qabla ghasliha wa huwa imma lit-tahrim aw lil-karahiyah. Septièmement, on en déduit l'interdiction d'introduire les mains dans le récipient avant de les avoir lavées, et cette interdiction est soit c'est interdit ou déconseillé selon le jugement que tu auras donné au fait de laver les mains. Si tu considères que de laver les mains est obligatoire, alors de les introduire dans le récipient avant de les avoir lavées est interdit. Et si tu considères que le fait de les laver est surérogatoire et préférable, alors le fait d'introduire tes mains avant de les laver est détestable. ثامناً الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. Huitièmement, ce que l'on comprend, ou ce qui apparaît comme cause, ou ce qui explique dans le hadith de façon apparente le fait de laver ses mains, c'est la pureté, c'est le fait de les nettoyer. C'est ce qui apparaît, et c'est ce que l'on comprend du hadith, mais cela n'a pas été dit formellement par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. Et c'est une explication du professeur Asselam, mais qui n'est pas claire, qui ne tranche pas. On peut comprendre de cela que c'est le fait que sa main se balade et le fait qu'elle touche une impureté. On peut aussi comprendre que c'est le fait que le diable s'amuse avec sa main pendant son sommeil. Ça peut être aussi le fait que pendant son sommeil, il y a un animal qui est passé et qui l'a sali à travers une impureté. Alors que la cause réelle n'est pas définie de façon claire. Pour cela que l'auteur a dit walakin al-hukma lil-ghalib, mais on doit considérer que on doit laver les mains quelles que soient les circonstances, et c'est pour cela qu'il dit rahimahullah walaw hafidhaha bikisin wa nahwi dhalik, et ceci même s'il dort avec des gants. Si tu dors avec des gants, est-ce que, en te réveillant, tu vas laver trois fois tes mains ou pas? L'auteur dit oui, car le professeur Hassan m'a dit, lorsque tu te réveilles, tu laves tes mains trois fois avant de les introduire dans le récipient, que ces mains soient protégées ou pas, qu'elles soient recouvertes ou pas, tu dois les laver, et c'est l'avis qu'a choisi l'auteur, rahimahullah ta'ala. Tasi'an, قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري فقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما ولكنهما في المؤطأ وعند مسلم حديثان. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il estayqava, lorsque l'un d'entre vous se réveille, ظاهر ونو حديث واحد. Ce que l'on comprend, c'est un hadith unique, afwan, comme cela est rapporté dans le Bukhari, mais il y a d'autres versions rapportées dans Al-Mu'atta et dans Muslim, dans son Sahih, dans lequel il y a plus d'un hadith. Donc c'était l'explication des deux hadiths d'aujourd'hui, le troisième et le quatrième. Le hadith de Amr ibn al-As ibn al-As, d'Abu Huraira et d'Aïcha, et le quatrième hadith qui est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. On actifie avec ce qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.